Joe. Ouais, hey, mais dehors, un ampli qui déchire un peu. Mais un ampli qui chie un peu, que je vois ici, si tout d'un coup ça peut être ça. Je peux aussi mettre le micro plus fort. Ouais, sur Amplitube. Un truc, ou bien, je sais pas, mais ouais. Fait bravoir vraiment du son. Parce que là, moi, en fait, quand je parle, ouais, je suis à zéro, hein. Je peux. Allez, je peux faire comme ça. Mais ça sature, là, non? Et puis la batterie, je peux mettre un peu plus fort, mais ça va saturer. Si je. Je vais essayer de jouer, puis si tu. Vas-y, toi, essaye déjà de jouer. C'est bizarre que je te reçoive à donf. Bon, je vais essayer de jouer par là-dessus, hein. 2 secondes. Et je t'entends vraiment qu'à peine. Tu m'étonnes que c'est vraiment space. Eh putain, il y a plein de monde qui vient. Passe-toi, tu m'entends bien?